un petit peu de concentration. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 602. Nous sommes le 29 mai 2024 et l'album de la semaine, c'est Yellow Submarine Song Track et non pas Soundtrack, sorti en 1999. On écoutera Hey Bulldog, Think for Yourself, It's All Too Much, Only a Northern Song, que je passe relativement rarement, je vous dirai peut-être pourquoi, et évidemment l'inévitable Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, suivi de With a Little Help from My Friends, qui sera combiné l'un à côté de l'autre pour éviter justement de faire cinq chansons entre les deux, parce que ça ne se fait pas sur ces deux titres-là. Bon, mais il y aura aussi du McCartney avec Tomorrow sur Wildlife en 71. Pour John Lennon, je vous réserve une petite surprise, c'est sur l'album qui va sortir, l'album de 1973, et oui, Maman et Sean font le maximum pour gratter les fonds des tiroirs, mais bon, alors moi je vais éviter le coffret avec toutes les photos, les ceci, les cela, les explications, parce que c'est trop cher, d'avance, j'en suis sûr, j'ai pris l'option à 40 euros, ce sera très bien. Mais justement, je vous proposerai donc Mind Games Evolution Documentary, c'est-à-dire que nous allons voir la démo, puis un peu l'évolution de cette chanson Mind Games pour arriver jusqu'à la fin. Ringo Starr nous chantera Sentimental Journey et George Harrison Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Saga des Fab Four qui commence maintenant avec cette superbe chanson qui s'était appelée Bullfrog, avant de devenir Hey Bulldog par hasard. « Hey Bulldog fut enregistré le 11 février 1968, alors que les Beatles se trouvaient dans les studios d'Abbey Road pour tourner le film de promotion de Lady Madonna. Paul leur suggéra que, au lieu de faire semblant d'être en train d'enregistrer Lady Madonna, il ferait mieux d'enregistrer réellement quelque chose. John sortit alors un texte inachevé qu'il avait écrit pour Yellow Submarine. Il expliqua aux autres ce qu'il avait en tête avec cette chanson. Et tous se mirent à faire des suggestions pour les paroles. Un des vers déjà écrit par John, « Some kind of solitude is measured out in news », un certain type de solitude se mesure en nouvelles, devint « is measured out in you », se mesure en toi, suite à une erreur de lecture. Il est possible que l'erreur de Paul ne soit pas tout à fait involontaire d'ailleurs. Ils décidèrent donc de ne pas la corriger. Le bulldog du titre n'existait pas avant la séance d'enregistrement. Le titre original parlait d'une grosse grenouille, « bullfrog ». L'assonance, poussa Paul à aboyer à la fin de la chanson, au grand amusement de tous les autres. Ils décidèrent donc de changer le titre et d'adapter les paroles. Voilà comment est né Hey Bulldog sur RG. De l'album Wide Life de Paul McCartney, enregistré en une quinzaine de jours. Paul avait voulu faire comme il l'avait appris de Dylan. Dylan avait enregistré un album en 15 jours et s'était dit, si lui le fait, je vais faire pareil. Alors l'album est assez brut, mais il y a des perles comme Tomorrow, comme Dear Friend et d'autres. Bon, voici donc cette fameuse chanson dont je vous ai parlé dans le générique. Nous allons voir l'évolution en 6 minutes de la chanson Mind Games sur RG. The first pack has a little longer than the rest. Yeah, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of them, and the others 1, 2, 3, 4, 5. There's 6 on the others. There's 8 on the first one. For no reason other than my own insanity. What's the word for that? Grail. Search for the Grail. Some call it magic. The search for the Grail. Now we're off it. Love is. Right. Okay. Let's go again. Do one down to the D without singing, then I'll come in. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, Royston. Gonna take a sentimental journey. set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. That takes me back. Never thought my heart would be so yearning. Why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey. Avant même le dernier album officiel des Beatles, Let It Be, qui est sorti en mai 1970, cet album de Ringo Starr sort en mars 1970. Que pouvait-on raisonnablement attendre de Ringo Starr après la séparation des Beatles ? Quel avenir alors pour celui qui remporta le gros lot le jour où il croisa celui des trois autres ? Telles sont les questions que la presse musicale abordera régulièrement, jusqu'à ce que, contre toute attente, le plus célèbre batteur de la planète crée la surprise et se fasse durant quelques années une place très enviable sur la scène rock internationale. Avec deux compositions presque anecdotiques au compteur, Don't Pass Me By et Octopus's Garden, on ne peut pas dire qu'il a particulièrement brillé d'un strict point de vue créatif au sein des Beatles. Ses principaux atouts n'étaient pas là, loin s'en faut. Derrière ses fûts et ses cymbales, il a accompagné sans jamais démériter l'évolution rapide du groupe, se montrant souvent novateur et développant avec une intuition très sûre un jeu qui n'appartient qu'à lui, reconnu et loué de ses pairs les plus illustres. Aux yeux du public, sa personnalité a incontestablement contribué à la popularité du groupe, enrichissant de son éternelle bonhomie et de son humour décalé une palette de personnalités contrastées très savamment complémentaires. Sa communicabilité, sa sociabilité, cumulée à son statut de Beatles en titre, lui vaudra des amitiés indéfectibles dans la galaxie du rock. Un atout dont il saura intelligemment tirer profit par la suite. Le premier disque en est un exemple, Sentimental Journey. Celui-ci est une collection de 13 standards américains des années 30-40, enregistrés par de grands orchestres avec l'oreille attentive et vigilante de George Martin, l'ancien producteur attitré des Beatles. L'enregistrement de l'album s'est étalé sur plusieurs sessions entre octobre 69 et mars 70. George Martin a eu recours à plusieurs grands orchestres anglais et américains pour lui donner de sa couleur, faire susurrer les cordes et claquer les sections de cuivre. Et on retrouve aussi derrière les claviers l'organiste Billy Preston, devenu récemment l'un des rares à pouvoir se réclamer d'incarner l'un des multiples cinquièmes Beatles. Côté chant, Ringo n'a pas exactement la voix de crooner qu'appelait cet exercice, mais il s'en tire plutôt bien. Son timbre voilé et grave se fond sans peine dans une production très soignée, éminemment nostalgique, feutrée et délicatement swingante. Un premier pas honnête et un album qui a très souvent accompagné le cliquetis de glaçons dans un bon nombre de verres au coin du feu. Il s'est classé 15e place des charts du New Musical Express pendant 4 semaines. Et même si on peut évidemment imputer ce bon score à la curiosité du public pour les nouvelles aventures des Beatles, désormais en solo, c'était un signe encourageant pour celui qui n'était que le batteur. À l'exception notoire de Phil Collins, ces derniers sont rares à avoir eu des carrières de premier plan. C'est la photo d'un vieux pub de Liverpool situé dans le quartier où vivait Ringo qui a été choisi pour illustrer la pochette de ce sentimental journée et dont l'histoire ne dit pas si Maman Starkey l'a finalement apprécié ou pas. Et oui, parce que Ringo Starr avait dit « J'ai enregistré cet album pour faire plaisir à ma maman ». Est-ce qu'il a fait plaisir à sa maman, George Harrison, avec Ballad of Sir Frankie Crisp? Il aurait fallu lui demander. C'est sur All Things Must Pass et c'est sur RIG 90.7. le début d'émission, de l'émission. Faudrait que j'arrête de manger les mots, j'ai pas faim quand même, pas à ce point-là. Depuis le début de l'émission, nous avons écouté Hey Bulldog, nous avons écouté Tomorrow par Paul McCartney. Hey Bulldog, c'était les Beatles. John Lennon nous a chanté Mind Games, mais dans une version de travail qui a duré 6 minutes pour un album qui va ressortir, l'album Mind Games, avec plus de... ouais, de fond de tiroir. Mais bon, c'est bien quand même. Ringo Starr nous a chanté Sentimental Journée sur l'album éponyme, tout ça entre 70 et 73, 99 pour l'album Yellow Submarine Soundtrack, d'accord. Et puis, à l'instant, George Harrison, Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. Frankie Crisp, c'est le nom d'un des occupants de son manoir. Il avait retrouvé ça écrit sur un mur et ça a suffi pour lui donner envie d'écrire une chanson parce qu'il avait l'impression que ce gars-là était un gars bien. Bref, voilà ce que nous avons entendu depuis le début. Avant de re-entendre les Beatles et Think for Yourself, il faut que je vous parle des trois endroits où vous pouvez retrouver les Beatles avec certitude et surtout avec des infos très intéressantes. Il y a le Maca Club pour Paul McCartney. C'est McCartney en priorité, mais on peut bien entendu parler des Beatles. Le Maca Club. Pour Yellow Submarine, c'est les Beatles. Eh ben, là, comme ce soir, dans le Yellow Submarine. Mais on parle de chacun des Beatles avec plaisir. C'est vrai que McCartney, c'est quand même le chouchou. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien. Enfin, moi, je suis pas contre. Et puis, il y a le site international, mondialiste, universel, de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur BeatlesMagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Vous savez que je lis vos interventions sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four et quelquefois sur d'autres sites comme Yellow Submarine, comme Maca Club aussi, ça arrive. Parce que l'un d'entre vous, je ne sais plus lequel, je n'ai pas noté, a écrit Your Loving Flame. C'est une chanson qu'on n'entend pas assez souvent dans la radio de Paul McCartney sur Driving Rain en 2001. Il faudrait qu'on réhabilite cette chanson. Eh bien, il suffisait de demander. Voilà, vous avez demandé à écouter Your Loving Flame. La voici sur RIG. I'm titre aurait pu sortir du temps des Beatles, il aurait eu un très bel impact. Give me love, give me peace on earth, George Harrison en 1973. Prenons la machine à remonter le temps et remontons 10 ans en arrière. 1963, toujours George Harrison sur l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. Voici Chains sur RIG. Chains, and they ain't the kind that you can see. Whoa, these chains of my blood got a hold of me, yeah. Chains, well, I can't break away from these chains. Sur l'album de la semaine, l'album Yellow Submarine Soundtrack, sorti en 1999. Et cette chanson, It's All Too Much. George était le Beatles qui parlait le plus souvent de ses expériences du LSD en termes mystiques. It's All Too Much, enregistré en mai 1967, fut composé, expliqua George, à la manière d'un enfant après des réalisations qui m'apparurent durant plusieurs séances au LSD et qui furent plus tard confirmées par la méditation. À travers des images de soleil d'argent et de flots de temps, cette chanson tente de décrire l'irrésistible illusion de voir son identité engloutie par une force bienfaisante. 3 mois après cet enregistrement, George rencontra le Maharishi Mahesh Yogi et commença à penser que ses expériences du LSD avaient été une étape plutôt qu'une destination. Le LSD n'est pas une véritable solution, expliqua-t-il en septembre 67. Le LSD ne te donne rien. Il te permet d'apercevoir des possibilités que tu n'aurais peut-être pas remarquées. Mais ce n'est pas la réponse. Il peut t'aider à aller de A à B, mais lorsque tu arrives à B, tu vois C, et tu vois qu'il veut aller plus haut. Il faut le faire bien. Il est possible d'y arriver autrement que par la drogue, par le yoga, la méditation et toutes ces choses. Voici cette chanson, It's All Too Much, sur RIG. favourite singer has always been Paul McCartney. Well, bound to travel wherever we may roam. The center of the circle will always be our home. Yeah, yeah. Que j'aime cette chanson de John Lennon sur Double Fantasy en 1980, Clean Up Time, le temps de faire le ménage, il est temps de faire le ménage, voilà, un peu partout. Et c'est ce qu'il avait fait, il se sentait mieux, John Lennon, en 1980. Il avait dit dans une interview, je me sens bien, je suis débarrassé de mes démons et je pense que j'ai toute la vie devant moi. Hélas, le reste du monde ne lui a pas donné raison, enfin même pas le reste du monde, une seule personne ne lui a pas donné raison. Voici une chanson de 1974 de George Harrison sur l'album Dark Horse. Et écoutez-la bien parce que elle fera l'objet de la cover de tout à l'heure. So Sad sur RIG 90.7. Make it.

Je cherche pour vous des chansons reliées aux Beatles. Voici pour la 18e chanson. Vous savez, la rubrique ressemblant à ou fils d'eux. Voici un ressemblant à, et c'est archi volontaire, ce sont les Ruttles. En 1978, ils sortent un album qui s'appelle The Ruttles. Et voici Number One. Ça ressemble à du Beatles, mais ça n'est pas les Beatles. Yeah. to invite it. Beware of pushing me. En 2013, sur l'album New, on peut pas dire que Paul McCartney ne s'essaye pas à plein de genres différents, parce que ça fait bizarre d'entendre ça de Paul McCartney. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans cet album-là. J'ai beaucoup plus apprécié Jeep Station dès la première écoute, à une chanson près. C'était Scissor Rock, que j'aimais pas au début, puis finalement ça passe. Bon. Et voilà. C'était pour notre ami Pascal. Pascal qui est de Lormont, j'allais dire ce nom. Non, c'est Lormont, c'est de notre côté, là, c'est ici, sur Bordeaux. Donc, petite chanson pour lui faire plaisir. Celle-ci va moins faire plaisir à un de nos grands contributeurs sur sur Facebook. Il va aller boire un café. C'est I'm Losing You, extrait encore de Double Fantasy, mais les quelques chansons que John Lennon a faites sur cet album-là sont vraiment extra. Oh, RG 90.7. La radio des Beatles. Dans une trentaine de minutes, un peu plus, ce sera Eric et son fabuleux Johnny de A à Z. Mais en attendant, retour une dernière fois à l'album de la semaine, à un double album de la semaine. Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band avec With a Little Help from My Friends sur RIG dans la saga des Fab Four. Ce brave Ringo qui a poussé la note là sur cette chanson-là, alors que après, à partir de 89, quand il fait son show All Star Band, il ne pousse plus la note, il laisse les chœurs le faire. Sauf, je crois, il y a une dizaine d'années, Paul McCartney était présent, là il s'est forcé et il a passé la note. Donc, il peut quand il veut. Le voici Ringo Starr en 1974 sur l'album Goodnight Vienna et ce superbe titre composé par John pour son pote. Voici Goodnight Vienna avec Goodnight Vienna, la reprise juste après. One and two and a one, two, three, four. Okay, with gusto, boys, with gusto. De 15 minutes et on revient pour jouer à fond une fois de plus, c'est ce que dit Ringo Starr. Good night Vienna on Apple Records and Tapes. Thanks John, it's a pleasure Ringo. Madame John qui faisait une petite pub pour son pote Ringo. Extrait du dernier album en date de Paul McCartney, Pretty Boys sur RG. Look into my lens, give me all you got, work it for me baby. Let me take my best shot. Meet the pretty boys. A line of bicycles for hire. Objects of desire.

Let's go. Back, back. En 1964, quelle belle année, I should have known better. En 2024, il a 84 ans cette année-là, et vous savez que c'est ma chanson chouchoute actuellement. Voici Ringo Starr, Gonna Need Someone. Attention, on lève les pieds et on gambade. Black dog chasing down all memories, the one

deux heures. Hein. Merci à vous toutes et tous. Je laisse Eric prendre ma place toute chaude. Et je sais que vous êtes entre de très très bonnes mains. À bientôt, la semaine prochaine. Je vous le dis, je vous le dis pas. Allez, je vous le dis ou je vous le dis pas? Je le dis. Ok, la semaine prochaine, un 100% McCartney. Ah oui, on est en fin de saison. On est en fin de saison, je me fais plaisir. À très bientôt, salut.